conférence ayant pour titre « Faire face à sa conscience ». D'abord, faut-il en avoir une conscience pour faire face? Est-ce qu'on peut faire face à sa conscience? Est-ce qu'on a une conscience? C'est des questions intelligentes. Ouais. Ma question était sérieuse. C'est quoi la conscience pour qu'on puisse dire qu'on y fait face? Dans l'ascenseur, j'ai dit, j'espère, tu commences pas la conférence, c'est une question plate dans le genre, c'est quoi la conscience? Ouais, ben, c'est sûr, j'ai commencé par deux autres, je t'allais que c'est l'heure troisième. La conscience, c'est la qualité qu'on a de savoir que ce que l'on connaît est vrai. Capacité de voir la réalité, de non, connaître. C'est la capacité d'apprécier la réalité comme étant la réalité. Faire face à ça, c'est ce qu'on fait tout le temps. Oui, mais la conférence, faire face à la conscience, il y a deux façons de faire face. Tu y fais face en tant que problème, tu passes ton temps à te sauver, ou tu y fais face dans le sens que tu vas vers. L'ego ne fait jamais face à la conscience. L'ego est toujours en train de se pousser devant la conscience. L'ego en a une peur... mortel, mais c'est vrai aussi. La conscience, ça tue l'ego. Et la majorité des êtres humains ont une conscience, mais leur conscience ne leur sert pas. Elle sert à rien. Est-ce que la conscience, dans le sens qui est donné au titre de la conférence, c'est l'équivalent de l'intelligence supramentale? Non. La conscience, ce n'est pas de l'intelligence supramentale. La conscience, c'est de l'intelligence supramentale qui est exprimée dans un cerveau humain. Ça devient de la conscience. L'homme, la femme et l'enfant ont la capacité d'avoir de la conscience. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a l'expérience de la conscience et il y a la conscience. Il y a la mémoire de la conscience et il y a la conscience. Comme l'être humain est un animal humain plus souvent qu'autrement, c'est-à-dire une personnalité évolutive qui apprend des choses par essai et erreur, qui se fie à sa mémoire, qui ramasse de l'expérience, il appelle cela devenir sage, donc il ramasse de la sagesse. Il est traditionnaliste, il ramasse une sagesse qui s'étire au-delà de sa vie, donc qui vient du passé. Et ça, c'est de la mémoire de conscience, et parce que l'être humain, l'animal humain, qui est totalement constitué à partir de l'expérience de la conscience, s'identifie à cette mémoire, il finit par penser que la conscience, c'est uniquement ce qu'on est capable de se rappeler, que c'est uniquement ce qu'on est capable de connaître, d'apprendre. Alors que la conscience, c'est quelque chose d'autre qui est toujours en guerre et en lutte contre la mémoire, toujours en guerre et en lutte contre la stagnation, contre la tradition, contre l'habitude. La conscience est quelque chose qui est totalement en guerre contre tout ce qui provient de la mémoire. Est-ce que la conscience est en guerre contre le subconscient? Ben, c'est évident. La conscience est en guerre contre le subconscient, contre l'inconscient, contre le supraconscient, contre le conscient, contre l'infraconscient, puis contre le sous-conscient. Elle est en guerre tout le temps? Oui. Qu'est-ce que ça donne d'avoir de la conscience? Si on vit dans un la monde... La question est totalement inajustée, parce que ça ne donne rien d'avoir de la conscience. On a de la conscience. Qu'est-ce que ça enlève de ne pas en avoir? Absolument rien. Celui qui n'en a pas, il n'en a pas. Bon, c'est que ça ne donne rien d'y faire face. À quoi ça sert d'avoir un nez? Respirer. Non. Tu ne pourrais pas avoir de nez puis respirer quand même par les trous. Par la bouche? Non, par les trous. Par les pores de la peau? Non, par les trous de nez. Ah ouais. Oui, il y a des pays où quand une personne est très fumée, elle coupe le nez. Bon, elle continue à respirer. Ça sera assez chic. Eh oui. C'est pour les lunettes surtout. Mais à quoi ça sert d'avoir un nez? À rien. À quoi ça sert de ne pas en avoir? À rien. Mais quand tu en as un, fais attention pour ne pas le frapper. Ça va faire mal. Celui qui a une conscience a une conscience. Celui qui n'a pas de conscience n'a pas de conscience. Celui qui a une conscience avec de l'ego, il pense que ceux qui n'ont pas de conscience, ben, c'est des imbéciles, c'est des stupides, etc. Quand on dit quelqu'un, c'est un inconscient, c'est qu'il n'est pas conscient. Donc, on ne peut pas se servir du mot « c'est un inconscient » en voulant l'insulter. Je pensais que c'est parce qu'il était petit puis conscient. Mais non, c'est un nain qui n'est pas conscient. Alors, quelqu'un qui dit « c'est un inconscient », tu ne peux pas t'en servir pour le juger comme ça. Pourquoi? Parce que si c'est un inconscient, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. C'est comme de dire « oui, mais lui, là, il est vraiment arriéré. » Bien, s'il est arriéré, lâche-le. Sinon, il n'est pas arriéré, ça cesse de dire ça. Quand une personne est inconsciente, elle est inconsciente. Alors, une personne, par exemple, qui a un corps physique et qui est totalement endormie, on l'a anesthésié, on peut l'opérer. Le corps souffre, il y a de la souffrance, mais elle ne le sait pas. Alors, on pourrait considérer spirituellement que cela fait partie d'un état du bonheur. Elle est heureuse. Elle ne souffre pas. On la charcute et elle ne le sait pas. Ben, c'est ce qui est arrivé un peu avant Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont bouffé la pomme, apparemment interdite, là, évidemment, c'est une pomme, c'était pas une pomme, mais quand même, quand ils ont bouffé une pomme, c'est comme si la personne qu'on charcutait venait de se réveiller. Et là, elle découvre, maintenant, elle a la conscience, elle découvre la douleur. Et Dieu, pour ne pas lui dire, « Oh, je te charcutais avant, mais tu ne le savais pas », il dit, « Ah, maintenant que tu es réveillé, tu vas souffrir. Avant, tu ne souffrais pas. » C'était plus ou moins vrai, mais ce qu'il voulait dire, lui, c'est que l'être humain va payer. La femme va enfanter dans la douleur maintenant, alors qu'avant, elle enfantait sans douleur. L'homme devra travailler pour gagner son pain. Alors qu'avant, il travaillait pour gagner son pain, mais il ne savait pas. La seule différence que la conscience amène, c'est que tu sais les choses. On peut dire, tu vois la réalité. Voyant la réalité, cela amène de l'information à l'ego. Et l'information qui est amenée à l'ego est une information qui ne peut que faire mal à l'ego. C'est pourquoi l'ego, la majorité de ce qui constitue l'humain, passe son temps à fuir la conscience. Il la rejette, il la contredit, il la défait, il l'émotivise, il la spiritualise, il la traditionnalise. Il fait tout pour la débattre. Pourquoi? Parce que, et si on regarde la Bible, c'est un peu la même chose. Il y fut un temps où il y avait des animaux humains sur une planète. Des corps physiques investis de la capacité de mémoriser. Des chevals, des hippocampes, des trypanosomes lipius, des hommes, des femmes. Et à un moment donné, l'un de ces animaux-là finit par devenir conscient. En se mélangeant avec une race adamique, si on parle de manger la pomme, mais ça n'a rien à voir. On dit aussi se compter la pomme, là. C'est faire l'amour, enfin, se rapprocher. Et ces êtres-là deviennent conscients. Devenant conscients, ils ont maintenant la capacité, ils sont reliés à une vision réaliste, c'est-à-dire une vision réelle des choses. Et cette vision réelle des choses n'est absolument pas absorbable par l'animal qui était là avant, c'est-à-dire l'animal humain, c'est absolument pas absorbable par l'âme, ce n'est pas absorbable non plus par l'ego. Donc, c'est préférable, si on aime l'animal humain, de tout faire pour que jamais il ne devienne conscient. Parce que la conscience, c'est une information extraterrestre, c'est une information extra-animalière, en tout cas, c'est une information qui fait mal. Tous les êtres humains qui sont conscients sont des êtres humains, tant qu'ils restent animal humain, ce sont des êtres qui ne peuvent faire autrement que souffrir. Est-ce que c'est la différence entre la conscience et la capacité de l'ego qui est la souffrance? Parce qu'on devient, on commence à souffrir à partir quand on parle de souffrir par la conscience, on commence à souffrir à partir du moment où on est plus lucide, où on voit plus la réalité. Oui. Si on n'avait plus d'ego, on ne souffrirait pas. Exactement. Mais plus on évolue, plus on devient conscient, plus l'ego devient solide, mais il souffre encore autant ou davantage ou d'une autre façon. Il souffre davantage, mais le corps physique est davantage capable d'absorber la souffrance, ce qui fait que ça paraît moins. Ça paraît pas trop que tu souffres plus dans la majorité des cas. Mais l'être humain souffre de plus en plus, alors qu'il ne devrait pas souffrir. Mais l'affaire qu'il y a, c'est qu'il y a... Il y a tout ce qui a été constitué pour aller chercher de la conscience. Et quand la conscience arrive, tout ce qui a été constitué va absolument rester là pour pouvoir bénéficier de la conscience. C'est comme tu es mon cheval, tu traînes ma diligence jusqu'à une certaine ville, puis rendu là, ben on te tue, puis on te l'envoie, on te mange. J'ai plus besoin du cheval. Alors le cheval, lui, il se dit, j'ai tout fait ça, Mais maintenant, je veux rester dans la ville, je veux visiter la ville, je veux bénéficier de la ville, je veux essayer les hôtels, je veux essayer les bidets, tu sais, je veux me promener. Sauf que non, la ville n'appartient pas au cheval. La route appartenait au cheval. Maintenant qu'on est rendu, le cheval n'en a plus besoin. Alors, on va considérer spirituellement que c'est pas correct. Pourquoi? Parce que maintenant que le cheval nous a rendu service, on le tue. Mais si le cheval nous a rendu service pour nous amener jusqu'à la ville, puis qu'on le garde avec nous, il ne nous a pas rendu service, finalement. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il est rendu là, il nuit. C'est comme si on fait une guerre bactériologique. Les microbes qui nous rendent service parce qu'ils tuent l'ennemi. Quand on a tué l'ennemi, maintenant on veut tuer les microbes. Mais non, ils nous ont rendu service, gardons-les avec nous. On se nourrit d'autres aussi. Ils nous ont rendu service, mais pas parce qu'ils voulaient nous rendre service. C'est une condition mécanique. L'ego, c'est la même chose. L'ego fait en sorte que le corps, que les différents plans planétaires, les quatre corps planétaires, le physique, le vital, la psychologie, l'astral et le mental, arrivent à un niveau d'énergification où ils pourront recevoir de la conscience. La conscience, elle commence à pénétrer chez l'animal humain. Elle a commencé il y a des millions d'années. Elle commence à pénétrer chez l'animal humain uniquement en fonction du fait que l'humain va finir par s'identifier à son ego. L'humain va découvrir qu'il est là. Et l'ego s'en accaparant devient égocentrique et il finit par avoir... C'est là qu'il va commencer à développer une forme de snobisme, de vision supérieure de sa condition, alors qu'il n'est que de la mémoire. Et progressivement, il y aura évolution de la conscience. L'ego s'accapare de l'évolution de la conscience et en fait une évolution spirituelle, son évolution à lui. L'âme évolue, alors que l'âme, ça n'évolue pas. Bon, et progressivement, on aura des personnages qui vont passer dans l'histoire planétaire. Il y aura Bouddha, il y aura le Nazaréen, il y aura un paquet d'autres. Et malgré qu'ils passent, malgré qu'on les tue, malgré qu'ils meurent, on appelle ça de leur belle mort, c'est spirituel, malgré que leur corps physique finit par disparaître, l'humain n'a pas changé astralement. L'humain a les mêmes souffrances qu'avant, les mêmes peurs qu'avant, les mêmes guerres qu'avant, les mêmes... Bon, même chose. On a des schizophrènes, on a des paranoïaques de l'évolution, comme on a eu avant, on a des illuminés, comme on a eu avant, on a tout ce qu'on voudra. Donc, l'âme, ça n'évolue pas. Sauf que l'âme, c'est ce qui, à un moment donné, s'accapare au complet de ce que la conscience peut amener. Alors, le cheval finit, le cheval, il est là avec vous. On amène du foin, il ne mange pas, il s'assoit dessus. On vous amène un plat pour manger, c'est lui qui commence à le manger. Finalement, vous n'êtes jamais nourri. La conscience n'est jamais nourrie. La conscience fait juste chialer. À un moment donné, on rentre un chien dans le restaurant. Le cheval commence à se battre avec. C'est ton ego. C'est celui qui t'a amené là. Toi là-dedans, mais t'es là-dedans, faut que tu t'occupes de calmer ton cheval parce que ça dérange tout le monde. Fait que là, tu bénéficies jamais de tout ce que le cheval t'a permis. Il t'a amené en ville. Puis maintenant que tu es en ville, il ne fait que te causer des problèmes, le cheval devrait être éliminé. On pourrait dire, on peut le ramener en campagne, oui. Mais si vous le ramenez en campagne, le cheval vous amène en ville, vous amenez le cheval en campagne. Bon, après ça, tu marches le bord du chemin pour t'en venir. Mais non, tu prends ton cheval, tu rentres en ville. Mais là, le cheval est en ville. C'est pour ça qu'il a inventé les taxis. Oui, mais les taxis, c'est la même chose. Ça reste que c'est l'ego, c'est le véhicule qui voyage. Ton auto, c'est la même chose. Rendu quelque part, faut que tu la stationnes, faut que tu l'assures, faut que tu mettes l'essence dedans, on lâche plus. Imagine-toi, faudrait que tu dormes avec elle dans ta chambre. Tu coûteras maman bagnole, à un moment donné, tu vas voir ça là. T'auras pas de musique pour... non. Pourquoi? Mais, c'est ce qui arrive. L'être humain est solide, il est plein d'énergie, il est... Dans un langage esthétiquement supramental, l'être humain, il est beau. Sauf que tout ce qui s'exprime plus souvent qu'autrement, c'est que je rentre dans le restaurant, c'est-à-dire que je rentre dans votre vie, et là, je vois l'être humain qui est là, esthétiquement convenable, c'est-à-dire qu'il est conséquentiel, il est écologique, il est énergétiquement bien, lumineux. Et je m'approche un peu de lui, puis là, je te mange un coup de sabot derrière la tête, je me ramasse sur le bord d'une table. Là, j'entends crier, c'est le cheval qui hennit. Puis j'entends piétiner, ça c'est l'ego de l'être humain. Et là, je me dis, ben, t'es orgueilleux, écoute, ben, moi, ça ne me tente pas du tout de travailler avec cet être humain-là. Pourquoi? Ben, moi, son mot du cheval. Alors, je m'en vais. Il arrive quoi? Il arrive que l'être humain, il se dit, oui, mais va-t'en pas. Ben oui, ben, c'est ça. Quand tu seras capable de contrôler ton cheval, quand tu seras capable de contrôler ton ego, D'être humain à être humain, on recommencera à se parler. Est-ce que mais en attendant, à chaque fois que je te vois, puis en plus, si j'ai mon cheval que je traîne avec, les deux se mordent, les deux se kickent, les deux se battent, c'est des guerres d'égo, on s'insulte, on s'obstine, on... C'est ridicule. Alors voilà, on est pris avec un cheval, la conscience, c'est ce que nous sommes. Mais il y a toujours un problème, c'est que notre cheval ne veut absolument pas qu'on finisse par découvrir qu'il crée des problèmes. On va l'éliminer. Il ne veut pas non plus que vous rencontriez des gens qui se sont débarrassés de leur cheval. Parce que vous allez vous dire, crime, hey, il est bien maudit. Cheval en arrière, on va le manger. Alors le cheval, l'ego, fait tout pour continuellement manipuler l'humain pour que le peu de conscience qui commence à transcender chez, à transparaître chez lui soit totalement obscurci. Vous commencez à être conscient, vous commencez à voir des choses, vous allez commencer à avoir des problèmes. C'est le cheval ou l'écurie au complet qui s'allient ensemble pour vous empêcher de voir. Justement, j'aime ton exemple de manger le cheval. Parce... Est-ce que l'ego, quand on parle de cellulariser l'événement ou cellulariser la vie ou l'ego, est-ce qu'on le cellularise ou est-ce qu'on dompte l'ego? Est-ce qu'on informe l'ego de nous laisser tranquille? Comme ça? Cellulariser veut dire changer la génétique corporelle. Donc, tu, à un moment donné, ton cheval qui est attaché après le cheval lui-même, quand il veut arrêter, par exemple, il se lève la tête puis ça tire le frein de ta diligence. La cellularisation de la conscience voudra dire que tu changes la génétique, ce qui fait qu'à un moment donné, tu as détaché la corde qui permet au cheval de freiner la diligence. Et c'est toi maintenant qui la contrôle. Donc, le mental devient de plus en plus maître-contrôleur et tu cellularises en ce sens que ce n'est pas une question... de, par exemple, tu te bats avec le cheval pour pas qu'il freine quand il veut freiner, il ne peut plus freiner. C'est détaché, c'est fini. Jamais plus tu vas attacher la corde après le frein. Jamais plus, donc, tu n'as plus besoin de te battre avec ton ego, tu n'as plus besoin de te battre avec le cheval, il ne peut plus freiner la diligence. Continuellement comme ça, dépendant, après quoi, qu'est-ce que le cheval avait comme contrôle sur la diligence, la cellularisation fait en sorte que tu désassujettis l'ego, la mémoire, le cheval, des mécaniques permettant de contrôler la diligence. Tu diminues son influence ou tu le fais disparaître? Non, tu fais disparaître totalement son influence. En ce sens, quand le cheval maintenant se lève la tête, tu ne le sais même pas, parce que si tu dors en arrière, la diligence, ça freine plus. Mais c'est juste son influence, c'est pas le cheval qui disparaît. Pas pour l'instant. À un moment donné, ce qui va arriver, c'est que, tu sais, le cheval, l'ego, c'est la même chose. On peut se servir progressivement du cheval pour qu'il nous amène là où le mental veut aller. Hein, on appelle cela reprogrammer l'ego, donc instruire notre ego, finir par créer des habitudes qui sont bénéfiques par rapport à notre conscience. Alors, on peut, par exemple, spiritualiser l'idée que l'on devrait mieux manger. Quand l'ego a accepté ça, la journée qu'on oublie, la spiritualité astrale vient nous dire que c'est pas correct de manger ça. Alors, on a une philosophie de l'alimentation. On peut rentrer dans une sac alimentaire et finalement, on arrive à plus manger mal. Sauf que là, on se sert de l'ego pour qu'il travaille dans le même sens que nous. Mais à un moment donné, on va rentrer en ville. Et quand on va rentrer en ville, on ne pourra pas ôter une patte au cheval. On a plus de problèmes. On ne peut pas y couper une oreille au cheval. On a plus de problèmes. Il crevait deux yeux, il ne sait plus ce qu'il va après. On va avoir plus de problèmes. Donc, on devra éliminer le cheval. Comment on va faire ça? Éliminer l'ego? C'est très, très, très, très facile. Mais ça prend du temps. Je vais prendre des notes. Je me posais la question, voilà, quelques secondes. Souvent, les personnes en conférence ou en séminaire me demandent comment je peux régler ça. As-tu une solution pratique pour que je puisse, par exemple, éliminer mon burn-out, éliminer mon stress, éliminer ma peur, éliminer mon ego, etc. Il y en a effectivement une solution. J'en ai parlé de temps en temps, mais ce qu'on peut résumer finalement, tout ce qu'on a à faire pour régler le problème de l'ego, c'est de temps en temps de faire une conférence comme ce soir, puis de juste parler, puis de juste écouter. Parce que la seule façon qu'on a d'éliminer l'ego, c'est exactement, on peut faire un parallèle avec les pays sous-développés. Prenons l'exemple de l'Éthiopie. Ben, l'Éthiopie, ils ont faim, ils ont l'armée tape dedans, bon, ils ont des problèmes de culture. Alors, vu qu'ils ont de gros problèmes, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les aide, on leur envoie de la nourriture, on leur envoie des choses. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'ils s'écartent, ils s'écartent, ils s'écartent, puis avant de faire une guerre civile, on leur envoie de l'aide. Donc, ils, bon, ben, ils prennent, puis à un moment donné, on arrête de leur en donner, là, ils s'écartent, ils s'écartent, ils s'écartent, avant de faire une guerre civile, on leur envoie de l'aide. Là, ils recommencent à monter, ce qui fait que jamais le peuple ne va s'en sortir. Notre ego, c'est la même chose. Ce que l'on doit faire, c'est que la seule chose que l'on doit faire, moi, j'apprécie énormément l'évolution sans problème, l'évolution sans souffrance, et je déteste une évolution humaine où les gens sont continuellement obligés de faire des efforts. Déjà que dans le travail, on ne devrait même pas travailler, c'est-à-dire qu'on ne devrait jamais faire d'efforts dans quoi que ce soit. Dans l'évolution, c'est la même chose. Surtout que si on fait des efforts, on est assujetti à l'évolution méritoire. Si on est assujetti à l'évolution méritoire, cela veut dire qu'on doit mériter astralement des choses. Donc, on reste assujetti au karma, blanc et noir. Et c'est toute une vraie catastrophe que d'être assujetti au karma blanc ou noir. Souvent, on va dire, t'as plus de karma noir, mais tu ramasses du karma blanc. Oui, tu restes attaché, mais tes cordes sont en or. L'être humain qui avance, il y a des façons d'avancer, dont l'une est une évolution qui est facile, qui prend un peu plus de temps, apparemment, mais c'est le paradoxe de l'évolution. Plus on est pressé, plus on a d'ego. Plus on est pressé, plus ça prend de temps, plus on a d'ego. Moins on est pressé, moins on a d'ego. Moins on est pressé, plus on est patient, plus ça va vite, moins on a d'ego. De quelle façon on peut régler la problématique de l'ego ou la majorité des problématiques? Vous savez, il y a différentes façons d'évoluer. La première va être celle de ramasser symptômes de problèmes sur symptômes de problèmes et de voir de quelle façon on peut régler le ou les problèmes un après l'autre. Alors, on peut parler des peurs, on peut parler du manque de sommeil, on peut parler de plusieurs choses. L'autre façon, c'est une façon PMC. C'est-à-dire que PMC, c'est programme être contrôleur. L'idée est, de base, que l'être humain, tout ce qu'il a à faire, c'est de s'améliorer sur le bon créneau et tout le reste va se régler de lui-même, tout seul, sans qu'on ait à s'en occuper. C'est quoi le bon créneau? On va y arriver, évidemment. On ne sait jamais qu'on nous pose la question. Tu me la reposeras. Il arrive quoi? Il arrive que pour pouvoir accepter le bon créneau, c'est important qu'on cesse d'être dérangé par tout le reste. Parce que le moment qu'on commence à marcher sur le bon chemin, on approche de la ville, puis là tu dis, ouais, mais il y a encore des insectes qui m'ont dit qu'en ville, il n'aurait plus. Oui, mais va-t'en en ville. Bon, oui, mais là, je suis proche de la ville, il y a des insectes, fait que je vais arrêter un peu, là, puis on va commencer à en tuer, tu vas faire un feu de fumée, on va... C'est ça. Tu seras jamais en ville. Rendu là où il y a le territoire de l'homme nouveau, de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau, rendu là où il y a le territoire de celui qui est conscientisé, de l'initiable ou de l'initié, le centre-ville, rendu là, tout ce que tu aurais à t'occuper pour régler des problèmes, tu n'en as plus besoin, les problèmes ne seront pas là, ne rentreront pas là, ne rentreront pas en ville. Alors 16, on voit la ville là, tu dis oui, mais il faudrait bien que j'apprenne à faire un cheval, tu sais. Tu n'en auras plus de cheval rendu en ville. Oui, mais s'il boite, t'as dit que je me rende là, tu continueras à pied. Tu le feras marcher jusque-là. Mettons, dans la carriole, tu traînes en diligence. Mais va là. Sinon, à un moment donné, le cheval, il se dit crime, on approche de la ville. Il va s'organiser pour boiter, même s'il n'y a pas de roche en dessous de son fer. Il va s'organiser pour avoir des problèmes, le cheval. Il ne mangera plus de façon à. Puis si tu t'en occupes, il sait que ça fonctionne. On s'occupe. Trop souvent, on vous occupe. Alors, on doit trouver le créneau, travailler dans le créneau, puis abandonner tout le reste. Je posais une question à un moment donné à Chicoutimi. Pensez-vous qu'un être humain très évolué peut encore être malade? Tout le monde me répond, ben non, s'il est bien évolué, il peut être malade. Donc, si vous êtes malade, allez cesser d'évoluer pour traiter votre maladie. Alors, vous serez malade. C'est une belle façon pour l'ego de vous planter dans votre évolution. Bon, une personne qui est très évoluée, est-ce que ça peut se mettre en colère à un moment donné? Ben non! Donc, si vous n'êtes pas suffisamment évolué, on va s'arranger pour que votre ego se mette en colère. Comme ça, ça va vous permettre de passer du temps à vous psychanalyser sur votre colère. Pendant ce temps-là, vous n'avancez pas. C'est comme de dire, quand le chemin sera parfait, je m'en servirai. Puis la seule façon qu'il devienne parfait, c'est que les gens marchent dessus. Tu sais, on est dans un sentier, là, pas dans un sentier, on est dans un champ, il n'y a pas de sentier. Puis tout le monde attend qu'il y ait un sentier pour le traverser. C'est en marchant dedans qu'on va en faire un sentier. Mais si on attend, on n'en fera pas de sentier. Alors, il y a donc un créneau qu'on doit aller chercher, et ce créneau-là, c'est la conscience. On doit décider d'embarquer dans la conscience, parler de la conscience, respirer de la conscience, manger de la conscience, et le reste, on doit pas s'attacher d'importance. Alors, à un moment donné, ça, c'est le chemin facile. Manger de la conscience. Et de la conscience. Je prends de l'eau un peu. Ça, c'est boire de la conscience. Comment tu fais pour parler de la conscience toujours? Pas toujours, mais en tout cas, de plus en plus, parce que on peut pas du jour au lendemain passer d'un ego qui contrôle, ou est-ce qu'on peut passer d'un ego qui contrôle à 100%, puis demain matin, il était 100% dirigé par la conscience? Oui, on peut. Bon, ça s'est pas vu souvent. Techniquement, c'est possible. Sur le doigt. C'est possible? Oui. OK. Mais qu'est-ce qu'on a à faire à modifier une attitude, un comportement? On a à ou faire... Ou à développer un talent? C'est encore bien plus simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire ce que nous pouvons faire. Ta question n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que tu me dis, disons que moi, je serais absolument pas le gars pour le faire, là. Ça se peut-tu qu'on fasse ça? Oui, comment on fait pour faire ça? Je peux t'en parler longtemps, mais ça ne te servira jamais. Parce que c'est pas ça que toi tu vas faire. C'est pas ça que toi tu peux faire. Comme le gars il dit, comment on fait pour contrôler 6 chevaux? Tu n'as qu'un pour la diligence. Alors, je peux te l'expliquer, il n'y a aucun problème, mais ça ne servira jamais à rien. Alors qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Étant donné que là où on va, il n'y aura pas de cheval, il n'y aura pas de diligence, puis que présentement, si les gens sont capables de se déplacer ou d'acheter les conférences que je fais, ou de lire certains livres et des auteurs qui sont extrêmement intéressants, c'est que déjà, ils sont près de la ville. Donc, il y a énormément de structures. Souvent, une personne me dit que je ne comprends pas l'idée. Il y a des personnes qui ce qui compte, c'est même pas intelligent. C'est... Puis, ils ont 1000, 2000, 3000, 4000 personnes. Puis, plus on se rapproche des personnes qui ont un discours qui est conséquentiel, qui est écologique, qui est intelligent, moins on a de gens. Ben oui, mais ça, c'est évident, ça. Pour la simple raison que, vu que c'est l'ego qui domine, ben, à un moment donné, savez-vous la quantité d'écuries qui existent avant de rentrer en ville? Le cheval veut toutes les essayer. On a même des écuries tellement grandioses que c'est assez que le cheval va être convaincu que c'est la ville. Mais c'est la conscience qui doit se rendre, pas le cheval. Quand votre cheval est bien heureux, là, vous pensez que vous êtes arrivé? Si l'humain recherche le bonheur sur la planète Terre, puis quand son ego est totalement satisfait, puis il n'y a plus de peur, puis il n'y a plus de crainte, puis il n'y a plus rien, il se dit « crime, je suis rendu ». Oui, mais ça, c'est parce qu'on se prend pour le cheval. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas conscience qu'on n'est pas le cheval, tu ne peux pas savoir que tu n'es pas rendu en ville. Mais c'est sûr. Sauf que tu la vois, la ville. Les consciences sont capables de la voir, mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que tu identifies tellement ton cheval. Si ton cheval est heureux, tu ne bouges plus. Alors, c'est pourquoi à grand coup d'amour et à grand coup de « je vous aime », ça fonctionne en maudit. Le cheval adore. Sauf que ces personnes-là, ils n'ont plus de conscience. Ils ont une mémoire de conscience. Ils n'avancent plus. Ils ne sont pas capables d'accepter, brisent le moindrement leur met le feu à l'écurie, puis ils sont finis. Alors que l'être humain qui réellement va vers l'être-té humaine, il n'y a plus rien dans le contexte chevalier, donc chevalin, qui peut le déranger dans le contexte astral ou etc. Alors on fait un immense, un beau jardin, il y a des places, justement c'est un ranch avec des arpents et des arpents verts qui ont été donnés à un bonhomme. Le bonhomme a construit un village là-dessus et les gens pour entrer sur le village, ça c'est uniquement les personnes qui sont retraitées, ils doivent tout léguer. Et là, ils viennent vivre jusqu'à temps qu'ils meurent dans un paradis aux États-Unis. Et c'est formidablement génial. Les gens doivent évoluer jusqu'à temps qu'ils méritent de rentrer là, puis quand ils rentrent là, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils sont heureux. Un égo, c'est bien. Ils sont heureux astralement, chevalement, psychologiquement, égoïquement, amiquement. Ils sont faits. Un égo ou un cheval, dans notre exemple, c'est bien niaiseux, parce que la question que je t'ai posée tantôt pour aller plus vite, c'est l'ego qui pose la question, oui. Comment je vais aller plus vite. La conscience, elle s'en fout de savoir quand est-ce que ça va arriver. Et moi, si je veux qu'on parle, justement, c'est de la conscience. Bon, mais la conscience s'en fout de savoir quand ça va arriver. L'ego, lui, cherche des moyens pour aller plus vite, alors qu'il sait très bien, pendant qu'il s'en informe, que quand il va arriver en ville, il va se faire tuer, puis il pose des questions, quand est-ce que je vais me faire tuer, j'ai assez hâte. Mais lui, ce qu'il se dit, l'ego, c'est quand est-ce que je vais être en ville pour m'asseoir à la même table que toi? Écoute, on ne pourra pas rentrer dans le gros hôtel si tu es là. Voyons donc, tu es rendu là, on va arranger ça. Sinon, c'est pas la bonne ville. C'est pas évolué là-bas. Il tue les chevaux. Comment ça se fait qu'on a une partie d'ego qui a hâte de ne plus avoir d'ego? Ça, c'est une partie du cheval, simplement, qui s'imagine que lui... regarde, vous avez votre cheval, puis là, vous vous dites, « Maudite poussière! » Il faut que je nettoie mon cheval tous les jours. Le cheval, il se dit oui, hein, rendu à la ville, il n'aura plus de poussière au-dessus de main. Il a hâte d'arriver. Mais ce qui ne sait pas, c'est que ça, c'est la tête qui dit ça. La peau, elle. Bon, tu sais, c'est tout différent. Le cheval est conçu de plusieurs morceaux. Quand tu dis, par exemple, faut que j'y faire les pattes à toutes les deux semaines, c'est donc vrai, rendu en ville, puis besoin de me faire les pattes. Et c'est vrai. Sauf que, rendu en ville, le cheval, il veut... Ben oui, le cheval, il s'arrange absolument pour te dire, sans moi, tu peux rien faire. Comment tu vas faire à travers la rue? Pas de cheval. À pied. Les distances sont plus les mêmes. Mais l'humain n'ose pas rentrer en ville, parce qu'en ville, il a entendu dire qu'on tuait les chevaux. Mais on tue les chevaux et on les mange. Le cheval devient l'homme. Dans la réalité, on transmute le cheval pour quelque chose d'autre. Mais ça ne peut pas être compris par le cheval. Il faudrait qu'on y compte une immense histoire, puis cette histoire-là, elle est extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce que n'importe qui, après ça, qui dirait, « Montez sur le toit de l'hôtel et jetez-vous en bas, vous allez rejoindre Dieu », les gens vont le faire. Parce que les chevaux, les égaux, c'est des imbéciles comme ça. Donc, si on compte des histoires où, à un moment donné, on va expliquer d'une façon très émotive, très spirituelle, que l'ego ne meurt pas. L'ego ne meurt pas. Il est transformé énergétiquement. Ce qu'il est disparaît, mais ce qui le constitue va rester. Mais ça, l'ego ne peut pas comprendre, ne peut vraiment pas saisir ce que ça veut dire. Il est déjà là vivant, il a peur de la mort, il ne comprend vraiment pas l'idée. Donc, on ne peut pas lui expliquer. Lui expliquer, c'est dangereux. L'être humain, il doit évoluer sur un seul créneau, le créneau de la conscience. Alors, quand les personnes me disent, comment on peut faire pour régler, appliquer et régler? On doit simplement aller chercher de l'énergie. C'est uniquement ça qu'on a à faire. Et quand l'être humain, pas l'animal humain, donc l'être humain dans l'animal humain, quand vous allez énergétiquement être capable de supporter la conscience que l'évolution n'est qu'une question d'énergie. Énergie ne veut pas dire énergie physique ou énergie vitale ou énergie astrale. Je n'ai pas de motivation. Ça, on n'en a rien à foutre. Ton cheval ne veut pas avancer. Prends les rênes, tape dedans, il va avancer. Prends... Bon. Et là, à un moment donné, je suis fatigué. Là, tu sais, il manque d'énergie. C'est pas de cette énergie-là qu'on parle. Ça le mange comme il faut. Fais un peu d'exercice. Dors. Fais une cure de sommeil. Tu sais, une semaine de temps, là, dors de jour, dors de soir. Prends bon, vas-y. Mais règle le problème. Sinon, on pense combien d'années à jamais être, à toujours être un peu amorphe, puis être bon, mais ben c'est ça. Là, on vous occupe, on vous empêche de rentrer en ville. En ville, ils sont tous pépés. Je ne suis pas pour rentrer là, moi, que c'est mon roi de l'air. Non, on occupe. Alors, ce qu'on doit faire, on parle de conscience, ça veut dire aller chercher de l'énergie. Pour aller chercher de l'énergie, il y a une seule façon. Majeur, en tout cas, il y a une seule façon, mais si on veut juste la structurer un tout petit peu pour que la partie de l'ego qui a hâte d'arriver puisse comprendre, pour t'aider au minimum à avoir un allié, une partie homme dans l'astral, puis le cheval se fouette lui-même. C'est ça, que le cheval se fouette, c'est ça, que la queue, quand il se donne un coup de queue pour chasser une mouche, il se dit, ça m'a mis, il n'arrive pas à discerner si c'est un coup de de fouet ou un coup de queue. On doit avoir la capacité uniquement de baigner dans de l'énergie de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un être humain qui travaille, et je répète encore, on doit... C'est exactement comme si on devrait parvenir à s'écœurer sans se déprimer. C'est-à-dire qu'on doit aller chercher, on doit nager dans la conscience. Nageant dans la conscience, on amènera toujours de l'information à notre ego qui sera souffrant pour l'ego, d'où le fait d'arriver à une forme d'écœurement. On ne doit jamais se déprimer, c'est-à-dire qu'on ne devra jamais, jamais, jamais laisser le cheval décider quand est-ce qu'il arrête, quand est-ce qu'il repart, quand est-ce qu'il boit, quand est-ce qu'il mange, etc. Donc, on doit continuer. On doit continuer. Mais qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que les êtres humains se dépriment lorsqu'ils s'écœurent uniquement parce qu'ils cessent d'aller chercher de l'énergie. Ou bien ils changent leur discours. Alors, ils montent, et à un moment donné, ils se coupent de ce qui les énergisait. Après, sans être coupés, là, ils commencent à perdre leur énergie. Perdant leur énergie, ils gardent la mémoire de l'information qu'ils ont ramassée. Et perdant leur énergie, ils ne sont plus capables psychologiquement de supporter ce qu'ils savent. Et c'est là que les problèmes commencent. Si l'individu va chercher de l'énergie, il ramasse de l'énergie, il monte. Prenez l'exemple d'une conférence comme ce soir. Il y a des personnes qui viennent pour la première, deuxième, troisième, quatrième fois, etc. De temps en temps, ils ne comprennent pas tout. Mais on n'a vraiment rien à faire de savoir si on comprend ou si on ne comprend pas, si on retient ou si on ne retient pas. Quand on sort, on est normalement énergisé. Mais là, le cheval, l'ego va dire, oui, mais là, moi, j'ai pas tout compris. Là, il est en train de te planter, il brûle de l'énergie. Tu sors de là, puis c'est génial. Ben, sors de là, puis c'est génial. Tu vas voir des peintures, tu regardes des peintures, la salle, l'ambiance, toute l'onde de forme qui est là. Puis, t'es bien, oui. Oui, je suis bien. Mais ce qui est dommage, c'est que j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que le peintre voulait dire. Là, t'es plus bien. Là, t'es nouille. Ton ego essaie de comprendre de quoi que ça ne s'adresse pas à lui. Alors, il pourra en faire une philosophie, il pourra appeler ça du cubisme, il pourra appeler ça de l'habilisme, il pourra faire ce qu'il voudra. Quand tu sors de là, puis tu le racontes à tout le monde que tu es allé voir quelque chose de beau, là, tu dépenses aussi l'énergie. Tu dépenses ton énergie. Par contre, si tu sors de là et tu discutes de ce qui a été vu avec quelqu'un qui est du même niveau que toi, soit qu'il l'a vu ailleurs, il a vu la même chose, il est peintre lui-même, là, vous allez continuer à vous énergiser. Tu vas dire, oui, là, ce que je comprends pas, c'est que tous ceux qui s'énergisent comme moi, à un moment donné, commencent à faire de la peinture, tu sais, puis moi, j'ai pas le goût d'en faire. Bon, t'as dit, ferme ta boîte, puis fais-en pas. On n'en a rien à faire, que tu peins ou que tu peignes pas. Tu te plains, en tout cas. Ce que l'humain doit faire, c'est uniquement de bénéficier énergétiquement de ce qu'il ramasse, et non pas de transformer tout ce qu'il ramasse énergétiquement en compréhension psychologique. Par exemple, vous allez jouer quelque part, vous êtes heureux, vous avez du plaisir, après ça, on arrête, puis on fait un retour sur notre plaisir. Tort, rieux que c'est niaiseux. Parce que tout le temps qu'on fait le retour, on est dans l'émotion, c'est-à-dire que là, on essaie de vivre du plaisir en se rappelant ce qu'on a vécu. Donc, on ne vit pas un plaisir réel. C'est un plaisir qui est régurgité. On gaspille l'énergie qu'on a accumulée pendant le plaisir. Eh oui! Pourquoi faut qu'on en reparle? Ben, le cheval veut pas... Il ne veut pas trop qu'on sache que c'est plaisant de ne pas avoir de cheval. Le temps qu'on joue, on n'a pas d'ego. Quand on est en compétition, on commence à avoir de l'ego. J'ai connu des gens, moi, je jouais au hockey, c'était au bout. Puis à un moment donné, il fallait qu'ils gagnent. Mais là, c'était plus plaisant. Puis en plus, ils jouaient au hockey pour se reposer de travail, mais ils se stressaient en jouant au hockey. Parce que là, maintenant, ça devenait sérieux. Du jeu, c'est devenu un jeu d'adulte. Alors, c'est un problème. Astralement, on ne peut pas se contenter juste d'être heureux. Faut qu'on se l'explique. Faut qu'on mérite notre bonheur. Évolution méritoire. Et moi, je répète qu'on n'en a rien à faire, pas au niveau de la conscience. Alors, on vient à une conférence. C'est intéressant. C'est mieux que tout ce qu'il y a à la télévision. C'est mieux que bien des choses que l'humain peut faire ailleurs. Pas mieux dans le sens cheval. Non, absolument pas. Mais on parle énergétiquement. Il y a des gens qui, puis qu'on parle de mes conférences, il y a une autre personne aussi qui fait des conférences au Québec qui est très intéressante. Je parle au niveau d'intelligence. Il y en a d'autres qui font des conférences extraordinairement intéressantes. C'est de l'intelligence, mais qui est ajustée à un niveau qui est différent du mien. Et à un moment donné, il y a des personnes, il y a des livres aussi intelligents. Il y aura peut-être même des films intelligents. On va voir un film, je prends un exemple, on va voir le film Cocoon, pas Cocoon, on parle de l'homme des étoiles. À un moment donné, l'extraterrestre voit un chevreuil, un daim sur le capot d'une automobile, puis ne comprend pas le principe du tout de l'affaire. Et il va le voir, et il le ramène à la vie, puis il l'envoie dans le bois. Il n'y a pas d'égo le bonhomme. Alors le chasseur, qui lui, c'est juste le cheval, il vient kicker, il vient ruer. Il lui demande où est-ce qu'est passé le daim, fait que l'autre, il dit, ben, il est dans la forêt. Bon, il mange 3-4 coups en pleine face, il ne comprend pas ce qui se passe. Là, on regarde ça, puis on se dit, c'est comme ça que la vie devrait être. Pas les coups de poing, mais la capacité, par exemple, de briser l'irréversible, donc ramener à la vie un chevreuil, l'envoyer dans la forêt, puis être bien. C'est tout. Le gars mange un paquet de coups de poing, il saigne, puis quand les autres s'en vont, ben, il a appris des choses. C'est l'animal humain. Bon, puis il s'en va. Être comme ça, le gars, il est conscient, il n'y a pas d'ego, donc il ne peut pas souffrir. Tu regardes le film, puis en sortant de là, tu es démoralisé. Tu te dis « maudite planète ». Encore ton maudit cheval. En réalité, tu as pris de l'énergie. Ce que tu as aimé te fait vibrer, cette synergie-là, elle te nourrit. C'est juste ça qu'on doit faire. L'évolution n'est qu'une question de synergisation, pas une question d'astralisation. Et pour être capable de le supporter, l'énergie, il faut apprendre à se taire. Ou à jaser avec des gens qui sont capables de parler du même sujet que toi, de la même façon que toi. Alors là, c'est le corps... Il faut que tu instruises, que tu informes, et puis que tu... Là, c'est du tatage, c'est de la perte d'énergie. Oui. Si c'est un échange énergétique de même niveau, là, c'est de la synergisation. Oui. C'est ça. Et ça, c'est de l'évolution. La personne... Bon, on fait une conférence comme ce soir, on parle de certaines choses. On ne parle pas de problèmes, on ne parle pas... Enfin, on amène au mois du 9. Juste le fait, par exemple, de discuter, c'est suffisant pour faire évoluer l'humain. Juste le fait d'écouter, c'est suffisant pour faire évoluer l'humain, si le cheval n'est pas là. Toute la vie, elle est comme ça. C'est pourquoi je dis que si on s'énergise, vous avez un otite, mal aux oreilles. Mais on n'en parle pas. On prend des antibiotiques ou on n'en prend pas. C'est fini là. Là, on se dit, on ne commence pas à faire une philosophie de l'évolution, tu sais, oui, mais si je serais, tu sais, l'intelligence fermentale devrait transmuter les bactéries pour, etc. Un jour, l'humain ne sera plus malade. Un jour, l'humain ne vieillira pas, il ne mourra pas, il ne s'obstinera plus, il s'engueulera pas, puis il ne se violera pas, puis il ne se fera pas la guerre, puis il n'y aura pas de problème. Il ne sera pas en total amour et en total extase. Non, non, il va avoir son monde vital à lui, son espace vital, son trou personnel. Il va être capable d'entrer en harmonie, en synergie, en énergiopathie, donc une télépathie qui se fait sur tous les plans avec d'autres individus. Ce sera des individus totalement individuels capables de vivre en collectivité sans problème. Alors qu'aujourd'hui, c'est une collectivité totalement collective, pas capable de vivre en collectivité, puis qui ont peur d'être pognés tout seul, qui s'ennuient rapidement. Bon, on parle de l'animal, du cheval. Ils se kickent les uns les autres, mais si un cheval tourne à gauche, la gang tourne à dos. Tu sais, ça vient en troupeau. Puis ça se déteste tout en même temps, mais ça vient en troupeau. C'est comme ça que ça fonctionne. Lorsque l'humain va en arriver là, mais en attendant, on n'en est pas là. En attendant, on a une diligence qui est traînée par un cheval. On n'est pas encore tout à fait en ville. La ville, c'est quoi? C'est l'endroit où il y a les lois aquariennes, les lois de l'évolution de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau, les lois de l'initiation solaire et non pas de l'initiation lunaire où on ne voit rien, donc où on est inconscient. Pour parvenir là, et souvent, c'est toujours banal ce que je dis, mais regardez ceci, imaginons quelque chose. Disons que toutes les personnes ici, ou celles qui écoutent mais qui ne sont pas ici, disons que toutes les personnes qui entendent comprennent que l'évolution n'est qu'une question d'énergie. Si c'est une question d'énergie, ça prendra un laps de temps. Je répète encore qu'on va parvenir à la ville lorsqu'on aura une dose particulière d'énergie. Quand tu me parles de miracle, processus du miracle, est-ce qu'une personne qui a un gros ego, etc., peut... comme ça, se ramasser de l'autre côté. Oui. Et c'est ce qui va vous arriver. C'est intéressant. La problématique, c'est que je répète toujours qu'on va être en ville quand on aura rempli totalement notre réservoir d'énergie. On en met, on en perd. Après ça, on en met un petit peu dedans, après ça, on en repère. Bon. À un moment donné, ce qui arrive, c'est que, je le répète, c'est que l'évolution réelle, celle qui élimine tout ce qui constitue l'animal humain, ce qui vous amène à avoir peur. Une personne va dire, souvent on me pose une femme qui me posait une question, elle dit, oui, mais si on est comme l'homme nouveau, là, comme vous le décrivez, on est totalement un robot. Le cheval a peur de la conscience. Un cheval, c'est pas robotique. De temps en temps, ça mord l'autre à côté, ça kick quelqu'un. T'sais, ça, au moins, c'est humain. Hein? Bon, ça se bat, ça crie, ça n'aime pas qu'il pleuve. À un autre moment donné, ça l'aime qu'il pleuve, puis ça déteste quelqu'un. Puis bon, c'est humain. Sauf que j'expliquais à la dame, on a des psychologues pour traiter l'animal humain. C'est-à-dire qu'on sait très bien... Des vétérinaires. Oui. En plus, on a même des vétérinaires de la publicité, des psychologues publicitaires, c'est-à-dire qu'on sait tellement comment l'animal humain va réagir, comment l'humain, dans leur langage, va réagir. On sait que si on fait telle annonce, il va avoir tel résultat. C'est qui le robot? Celui qui est totalement programmé, qu'on peut totalement le bouger comme on veut. À un moment donné, Stambar, oui, ils vendent des produits. Ils ont des pâtes alimentaires. Et la compagnie qui produit les pâtes alimentaires pour Stambar, pour IGA, pour toutes les chaînes alimentaires... Dis Provigo, c'est plus facile. C'est la même compagnie. Et à un moment donné, les producteurs qui produisent pour plusieurs compagnies, comme les savons, vous achetez du savon Provigo, c'est le même que l'autre. C'est la même compagnie qui fabrique. Eux se sont dit, on va faire des produits pas de nom. C'est nous aussi, on va les mettre sur le marché. C'est une boîte blanche avec des lignes noires dessus, c'est écrit pas de nom, c'est le nom. Là. Et puis, bon, c'est moins cher parce que tu n'achètes pas la compagnie en même temps. Mais ça ne fonctionne pas, ça ne se vend pas. Les psychologues ont toujours su que les gens achètent l'emballage, pas ce qu'il y a dedans. Plus l'emballage est appétissant ou beau, plus les gens achètent ce qu'il y a dedans, rien à voir. C'est qui le robot? C'est qui le cheval? C'est ça. Quand on arrive à la conscience, quand il se met à pleuvoir, tu ne parles plus du mauvais temps. On est sur une planète aqueuse. Alors, il y a de l'eau, ça pleut. C'est comme ça. Alors, tu chioles plus. C'est sa planète. Il pleut. Et les gens disent, ouais, mais c'est un robot, ça. Parce qu'il chiole plus quand il pleut. Parce qu'il chiole pas s'il fait froid. C'est un robot. C'est pas un robot. C'est un maître. Si on arrêtait de parler de tout ce qui est émotif, comme tantôt tu disais, là, si on chiale parce qu'on fait une otite ou si on est heureux d'avoir visité un musée et on raconte à tout le monde. En quelques mois, tu es totalement finalisé. Parce que c'est ça, là, tantôt que je te demandais si c'était, tu parlais d'un miracle, si c'est possible, bien, partie d'ego qui a hâte d'arriver en ville. Pas miracle, là, c'est parce qu'à un moment donné, on met des énergies. Tu m'énerves avec de l'eau. Oui, je sais, c'est à queue la planète. Oui. D'ailleurs, l'astral, c'est totalement poisson, pisséen. Le cheval aussi, c'est à queue. Oui, effectivement, qui est en arrière. Ce qui arrive, c'est que... On met de l'énergie. Prenons l'exemple de conférence comme ce soir ou d'autres choses que vous faites aussi de temps en temps. Oui, mais ça paraît bon. On ne dirait pas qu'on approche de la ville. On ne dirait pas qu'on... Le cheval ne le voit pas. On prend de l'énergie. Vous allez traverser le processus du miracle quand ça va être plein. Alors, on en rajoute encore. Puis ça paraît pas. Ça paraît pas. On en rajoute. Puis ça paraît toujours pas. On en rajoute à un moment donné. Ça commence à paraître. Mais là, ça paraît plus. Continue à en mettre. Puis là, tu as ton processus du miracle, le verre se défait, tout s'en va, ton cheval vient d'être transmué, tu es totalement passé de l'autre côté. Ça veut dire qu'en une seconde, quand tu es plein, là, le processus du miracle arrive. Tu es aussi pire que les autres, puis clic, tu es totalement différent de tout le monde. Ça déborde, maintenant tu rayonnes ton énergie, tu n'as plus besoin de la prendre au niveau de l'expérience. Donc, tu n'es plus un animal humain, tu deviens un être humain. Le processus du miracle existe. Mais si tu enlèves l'émotion... Comme tantôt, dans l'expression. Reprenons le même exemple que le verre. Puis disons que quand je mets de l'émotion, je mets ma main par-dessus. C'est que même si c'est en vide, il en tombe partout à côté, ça ne remplit pas le verre. Si j'enlève l'émotion, est-ce que c'est comme si j'enlevais ma main, puis que là, la même quantité de conscience va remplir le verre réellement beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qui va arriver? Oui, c'est parce que je suis déjà à 95%. Regardez ce qui arrive. Je recommence ici. On peut l'expliquer autrement aussi. Non, non, c'est bon comme ça. Imaginez votre corps énergétique, vous ramassez de l'énergie. Là, l'ego est pressé. Il est pressé. Il met pas la main dessus, comme tu dis, pour empêcher l'énergie de rentrer. Il veut que l'énergie rentre. Non, c'est pas ça qu'il fait, l'ego. L'ego, là, il voit d'énergie rentrer, puis il dit, crème, on n'est pas encore rendu, faut que ce soit plein. C'est plein. Mais c'est plein, on aura le bord. Mais c'est l'ego qui est dedans. Alors, il y a pas assez d'énergie. C'est pas une question d'être plein, c'est une question d'avoir la masse énergétique essentielle. Comme ton ego, il est pressé, il est toujours en train de rentrer dedans. Quand il rentre trop, il en perd de l'énergie, puis quand il sortit, t'es plus beau qu'avant, ça ne fonctionne pas. Celui qui est patient, l'ego rentre plus dedans, plus d'ego. Il est patient, l'énergie descend lentement. Vu qu'il est patient, il n'est pas toujours en train de faire de la philosophie sur tout ce qui ne regarde pas l'évolution, que lui appelle l'évolution. Ben, le peu d'énergie rentre quotidiennement, si tu n'en perds plus, puis ton ego n'est pas dedans, à un moment donné, ah, tu viens d'en perdre, ça te coulait, tu viens d'en perdre. L'ego se retire, tu viens de faire une crise d'évolution, l'ego se retire. Mais t'es plus beau que t'étais tout à l'heure. Quand tu fais une colère mentale, tu fais-tu ça en même temps? Quand tu fais une colère mentale, tu retournes, tu sors l'ego de là, tu repousses l'ego à l'extérieur, ce qui te donne un laps de temps, dépendamment de ta colère mentale, faut pas que ce soit égoïque, dépendamment de ta colère mentale, ce qui va te donner peut-être un mois, deux mois, trois mois de paix astrale, pas juste au niveau de ton ego, mais au niveau de toute l'astral extérieur, donc de tous les chevaux et de tous les maréchals ferrants qui sont là uniquement pour t'achaler. Ça crée un espace dans l'astral, ce qui te donne un peu de temps. Mais est-ce que l'espace va enlever la main puis va laisser rentrer conscience? Oui. Si, une fois, il faut faire attention. Ce qui arrive après une colère mentale, c'est que l'individu est totalement bien. Vu qu'il est bien, ben, il pense qu'il est rentré en ville, puis il ne fait plus rien. C'est correct d'être bien. L'évolution, moi, mon évolution, elle est extrêmement bien. Elle est douce. Elle est rapide et elle est douce. L'humain qui fait une colère mentale, bon, il est bien. Maintenant qu'il est bien, il fait quoi? C'est le temps maintenant de rencontrer d'autres individus, puis d'autres individus qui sont bien. Parce que sinon, on commence à faire de la psychologie, de la psychanalyse. Puis de jaser de quoi? De rien, jasons. Et là, on revient, comme par exemple à la conférence ce soir, ou toutes les conférences qu'on donne, jaser de quoi? Ça, il ne se dira pas grand-chose dans l'écurie, là, si on ne parle pas d'émotion. Mais justement, il va se dire quoi? Il ne se dira pas grand-chose, il n'y aura pas de sujet. Alors, c'est là que les conférences, ou les dialogues comme les conférences, deviennent intéressants. On a besoin d'énergie. Alors, de quoi on va jaser? Alors, on va prendre un sujet. Prenons comme le prochain mois, je crois que c'est karma blanc, karma noir, je ne sais plus trop. On prend un sujet et on parle du sujet. Les individus ne sont pas tous des communicateurs. Moi, j'en suis un, tu en es un. Alors, disons qu'on est une famille, on jase ensemble à la maison, comme ça arrive de temps en temps. Il y a deux, trois de tes amis, enfin de nos amis qui sont là, et puis on jase, et puis on discute. Et c'est drôle, on ne discute pas de pommes, on ne discute pas de sexe, on est juste des gars, on ne discute pas d'automobile, on ne discute pas de température, on ne discute pas de corde à linge, on ne discute pas de vaisselle, on ne discute pas de problème. Mais non, et pourtant, on passe une soirée à discuter. Là, on va dire, après la soirée, ça nous a servi à quoi, parler de karma ou de... À rien. Mais à quoi ça sert de parler de corde à linge? À rien. Mais dans un des cas, on ramasse de l'énergie astrale, on ramasse des problèmes. Dans l'autre cas, on ramasse de l'énergie. Ça sert à rien pour le cheval. Mais à un moment donné, ça va servir en ta barouette. Ou en ta diligence. En tout cas, à un moment donné, ça va servir. L'humain, qu'est-ce qu'on doit faire pour évoluer? On va avoir une brouette après le cheval. Mais nous, on en a rien pour ramasser ce qui lui met en avant. En tout cas, c'est en approchant de la ville, il y a des lois qui changent, puis là, on accepte de puiser. On peut pas polluer. C'est ça. Le cheval trouve son compte, il peut plus faire ses besoins partout. Tu sais? Parce que, en tout cas, bon. C'est là que les cons deviennent stables. Oui, c'est ça, oui. Donc, ce qu'on doit faire, c'est ramasser de l'énergie. Ça veut dire faire face à sa conscience, en ce sens que l'ego va finir par accepter la conscience, va accepter que la conscience va diriger. on doit nourrir sa conscience. Alors, si on nourrit suffisamment la conscience, le cheval, l'ego, n'aura pas le choix d'accepter la conscience. Puis une vie qu'une conscience est plaisante. Pas une vie avec une conscience qui informe l'ego. Parce que l'ego déforme la conscience. Mais tu n'as pas le choix de déformer l'ego. L'ego, il s'en rend compte du passage de la conscience. Mais si ta conscience est suffisamment à mettre contrôleur à bord, si tu es juste capable de prendre ton corps, de bouger quand c'est le temps. Mais comment on parvient à ça? En plaçant de l'énergie. Comment on place de l'énergie? En discutant. Ce soir, on a une conférence, on discute de certaines choses. Mais comprenez. Quelles que soient les conférences que l'on fait ici, puis je ne dis pas que je suis l'unique conférencier qui fait cela, il y en a d'autres. Mais en tout cas, présentement, je suis l'unique ici dans la salle. Une conférence comme celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que, regardez la teneur de votre soirée. Les animaux humains ne font pas des soirées comme ça. Mais d'ailleurs, les animaux humains, on ne peut pas en parler des soirées comme ça. Non. Le cheval, quand il rencontre un autre cheval, le lendemain matin, il pense qu'il va te faire entrer chez le vétérinaire. Exact. Fait qu'on peut pas se synergiser. Tantôt, tu disais, quand on se rencontre, on se rencontre, on peut parler. Nous deux, on se connaît. Mais si quelqu'un connaît pas une autre personne qui pourrait avoir des niveaux de discussion intéressants, avec qui tu veux qu'il en parle? Si t'es tout seul, tu t'en retournes dans ta famille, tu n'oses pas parler de ça, ta soeur va t'envoyer en prison ou ils vont te faire suivre un test psychologique. As-tu vu l'émission Kung Fu? À part le jeu de mots plat et habituel. Ouais. Je ne l'ai pas dit non plus, j'ai juste pensé. La Force américaine a voulu faire une mission féminine, Kung Fu. Mais là, c'était Kung Fu. Et cela était nouvelle. Mais quand j'étais jeune, j'écoutais Kung Fu. C'était en anglais, je ne comprenais rien. La saveur de l'émission était plaisante. C'était de la non-violence que le gars amenait, puis etc. Je comprenais rien, mais je comprenais bien les affaires. Parce que je comprenais tout ce que je voulais comprendre. Je ne sais pas si c'est ça que quelqu'un parle en français. Les dialogues, j'ai aucune idée de ce qu'ils disaient. Mais ce que moi je voulais qu'ils disent, ce que moi j'aurais dit, enfin bref, ce qu'il fallait qu'ils me disent, c'est ce qu'ils disaient. Alors, ils disaient des choses à quelqu'un à un moment donné. Bon, ils se battaient sans sang, tout le faciès de l'animal humain qui se bat. Puis quand le gars était à terre, le gars était blessé, ben là, il se penchait, il parlait avec le gars, puis il ramanchait l'épaule, puis là, il amenait le gars chez le vétérinaire. Et puis après ça, il s'en allait. Moi, je comprenais tout ce que j'avais à comprendre. Une fois par semaine, l'émission jouait. C'était suffisant pour que j'aille chercher ma dose d'énergie, mais c'était mon énergie que j'allais chercher. Mais c'était suffisant pour que j'aille chercher ma dose d'énergie pour être capable de supporter l'école. Puis mes parents. Mais j'ai personne à qui jaser. J'ai rencontré un adulte. On a fini par s'associer un peu. Il a pris des vacances, allé en Floride, puis s'est noyé. Bon. Alors, ça n'a pas été long. Après ça, j'ai rencontré quelques personnes, des jeunes surtout à l'époque. Les adultes, c'est très complexe. Le seul qu'on a rencontré, on n'aurait pas dû le rencontrer. Et c'était suffisant. Les personnes, tu dis par exemple, nous on peut jaser, les gens n'ont pas. Il y a une conférence une fois par semaine. C'est déjà ça. C'est pas une question de faire un culte. C'est important. La personne, par exemple, qui se sent mal de ne pas venir parce qu'elle se sent coupable de ne pas venir, elle doit prendre une vacance d'un mois ou deux ou trois. Ou me lâcher complètement. Mais quand dans une... Mais la personne qui vient parce qu'elle a un appétit, et c'est ce que la personne va dire, « Ouais, mais regarde, là, c'est mon ego. » Faire attention. Énergétiquement, quelqu'un me disait à un moment donné, « Oui, mais tu sais, quand je vais, un de mes amis, quand je vais chez toi, de temps en temps, je ne sais pas si je te tête ou pas. » Je dis, penses-tu que si tu me têterais, je te laisserais là? Ah non, je suis sûr que non. Alors pourquoi tu continues à te créer des problèmes avec la question? Je prends l'exemple de Charles. De temps en temps, moi, ça me tente de m'inviter chez Charles. Fait que je téléphone, puis je m'invite. S'il veut pas me voir, il me le dit. Puis quand il m'invite, oui, mais tu sais, normalement, on attend, il faudrait que j'attende que lui m'invite. Pourquoi? S'il m'invite, c'est lui le têteux. Il m'invite. Pourquoi il faut que j'aille chez lui? Puis si je m'invite, c'est moi le têteux. Alors, à têteux égal, je m'invite, il s'invite. Il m'invite, en tout cas, des fois même, bon. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que je ne tête pas. C'est que je vais me synergiser avec toi ou avec d'autres personnes. Alors que astralement ou spirituellement, ou quand l'ego comprend mal l'information supramentale reliée au têtage, il est toujours en train de nous créer des problèmes. Mais on ne se tête pas. Alors, par exemple, on fait des conférences. Imaginez, donc, je reviens sur l'idée, pour amener de l'énergie, on doit décoller. Pour amener de l'énergie convenablement et beaucoup d'énergie, on doit décoller. Ça veut dire décoller, ça veut dire partir dans le neuf, avec des concepts neufs, et parler plus rapidement. Cela veut dire que plus on décolle, moins le cheval va comprendre. Une conférence haute en énergie. Une conférence haute en énergie, les gens vont dire, j'ai rien compris, c'est à bon maudit. Ça, c'est les gens qui, inconsciemment ou consciemment, sont capables de supporter ce que la conscience leur amène comme vision, d'accepter de se rendre compte que c'est énergétiquement que ça importait et non pas au niveau de l'information. Oh, après un an, deux ans, ils sont capables de la parler, l'information, mais ils n'ont pas essayé de la comprendre sur le moment. Autrement dit, on peut faire des conférences énergétiquement X, Y, Z pour que l'ego comprenne, pour donner un truc par-ci, pour serrer une vis par-là. Puis on peut aussi procéder vers la conscience, c'est-à-dire travailler uniquement au niveau de l'énergie. La personne sort, elle dit « Oui, mais là, je te vois aussi colérique. » C'est vrai. Mais si tu continues à t'énergiser convenablement, dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, tu ne seras plus colérique. Mais jamais tu auras eu à être en colère contre ta colère. Jamais tu auras eu à travailler contre. Quand c'est haut comme ça en énergie, c'est comme si le chevalier venait de manger des céréales d'avoine, puis le cheval a juste senti passer les céréales. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça va l'air d'être intéressant. Il n'a rien compris. C'est ça. Mais ça l'a énergisé quand même, le chevalier. Énormément. Sauf que pour que l'ego, quand il se prend pour le mental, ça devient de l'intellectualisme. Pour que l'ego qui spiritualise, émotivise, non, on va dire émotivise, spiritualise ou intellectualise, hein, c'est les 3 facettes de l'ego, pour que l'ego ne fasse pas cela avec l'événement énergétique, on doit avoir suffisamment d'énergie. Comment aller chercher de l'énergie? Bien, vous connaissez la mécanique, démerdez-vous pour jaser, comme on fait en conférence. Est-ce que ça s'adonne à un moment donné que vous êtes capable d'entretenir un discours sans qu'il y ait d'émotivité? Mais il peut y avoir du sentiment. Et c'est la nuance, on doit le comprendre. Le phénomène sentimentique amène énormément d'énergie. Moi, je me plais avec des personnes qui sont belles. Je ne parle pas physiquement. Mon cerveau rectifie le corps physique. Ils sont belles énergétiquement, donc ils sont belles partout. Je me plais à m'amuser avec des jeunes. Je me plais à m'amuser avec ma chatte. Je me plais à aller dans le bois. Je me plais à être en ville, là où c'est énergétiquement convenable. Donc, les gens diraient, oui, mais t'es émotif. Je ne suis pas émotif. Pourquoi? Ça ne me déplaît pas de ne pas être dans le bois. Je ne souffre pas de ne pas être avec les gens beaux. Je n'ai pas de problème. Autrement dit, je suis totalement heureux si, et je suis totalement heureux s'il n'y a pas. Il n'y a pas de différence. Par contre, c'est évident que quelqu'un me dirait, est-ce que tu viens chez nous ou est-ce que je peux aller chez toi? Mais énergétiquement, c'est évident, ben oui. La personne me rappelle 2 heures après, ben je ne peux plus. Ah, ben, il n'y a aucun problème. Bon, ça finit là. Où il y aura un problème, c'est, ben là, je m'excuse, tu sais, j'aime donc pas ça, moi, dire à quelqu'un que je vais y aller, puis après ça, je ne peux plus y aller, puis c'est... Ah là, faut que je commence à faire de la psychanalyse. Faut que j'y dise, écoute, ben, tu te sens mal, oui? Ben, c'est ça, ben, boy, clique. Bon. Mais juste ça, là, ce que tu dis là, si la personne ou tout le monde n'a pas toujours l'occasion de discuter hautement en énergie, comme tu le dis tantôt. Ben, il y a des conférences. Ben, il y a des conférences, mais ce que tu dis, là, dans l'exemple d'appeler quelqu'un et dire « j'aime donc pas ça, t'es obligé de m'excuser », si on est capable de transcender ça, si on est capable de supplanter des habitudes comme ça... On est déjà en train de fonctionner pour aussi, se diriger vers la vie. C'est aussi bon que d'avoir... Ben, en tout cas, c'est peut-être pas la même quantité d'énergie, mais ça devrait générer une quantité d'énergie intéressante. Qu'est-ce que l'humain devrait faire? Et c'est pourquoi, spirituellement, la spiritualité, c'est une vision plus évoluée de la vision émotive de la réalité. Spirituellement, les gens qui, à un moment donné, ont une conscience qui veut évoluer dans le corps, pas évoluer l'âme, qui veut évoluer dans le corps, donc s'exprimer dans le corps, vont se faire récupérer par l'ego. L'ego, spiritualisant la vision supramentale, la vision d'intelligence claire et active, va engendrer des choses. Les gens veulent toujours partir des communes, ceux qui veulent évoluer. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si on serait toujours ensemble, on aurait le pied sur la pédale de gaz, puis on avancerait. Le problème, souvent, c'est que c'est le cheval qui veut bâtir une écurie pour que tu ne rentres pas en ville. Alors, le cheval, il citait... Une écurie plaquée or. Oui, c'est ça. Le cheval, il citait. Les gens évoluent. Le cheval, il commence à un moment donné à faire des crottes là. Il commence à manger la paille du chapeau du gars. Il commence à avoir du soleil, tu sais. L'initiation solaire commence à être dangereuse. Et puis, finalement, tu te rends compte qu'on est dans un microsystème. On est la même chose qu'avant. Alors que c'est vrai que plus les gens se tiennent ensemble, plus ils peuvent créer de synergie, parce que vous augmentez votre masse. Augmentant la masse, vous augmentez la centricité vers vous. Et nécessairement, ça fait évoluer l'humain. Sauf qu'on doit toujours faire attention entre l'application spirituelle d'une mécanique et son application par l'intelligence. Par exemple, je me sens bien avec toi, je me sens bien avec d'autres personnes qui sont mes amis, mais à un moment donné, je pourrais commencer à les têter. Les personnes se disent, oui, mais justement, moi, je ne veux pas les têter. C'est parfait. Mais fais-en pas non plus une anticrise. Tu as tellement peur des têter que tu ne les vois même plus. Une anticrise ou masculin, ça se dit comment? Je te laisse le dire. La conférence vendredi prochain à Blue Bonnet. Non, il n'y a pas de conférence vendredi prochain. C'est sérieux, il n'y a pas de conférence vendredi prochain. Mais il y en a une, mais t'es à Québec. Il y en a une, oui, à Québec, si vous voulez y aller. Et le séminaire de Daniel, c'est le 16 et 17 juin. Je vais avoir de l'information à l'extérieur. Une petite pause, un café, on revient tantôt. Un peu d'avoine.